Chapitre 7. John Harris. Le roi contemplait sa vengeance, comme un homme à jeun depuis 3 jours contemple un bon repas. Il en examinait un à un tous les plats, je veux dire tous les supplices. Il passait sa langue sur ses lèvres desséchées, mais il ne savait pas par où commencer ni que choisir. On aurait dit que l'excès de la faim lui coupait l'appétit. Il donnait du poing contre sa tête, comme pour en faire jaillir quelque chose. Mais les idées sortaient si rapides et si pressées qu'il était mal aisé d'en saisir une au passage. « Parlez donc, s'écria-t-il à ses sujets, conseillez-moi. À quoi serez-vous bon si vous n'êtes pas en état de me donner un avis? Attendrai-je que le corfiote soit revenu ou que Vasil élève la voix du fond de sa tombe? Trouvez-moi, brute que vous êtes, un supplice de 80 000 francs. » Le jeune Tchibouji dit à son maître, « Il me vient une idée. » Tu as un officier mort, un autre absent et un troisième blessé. Mets leur place au concours. Promets-nous que ceux qui seront le mieux te venger succéderont à Sophoclis, au Corfiote et à Vasil. » Agistravo sourit complaisamment à cette invention. Il caressa le menton de l'enfant et lui dit « Tu es ambitieux, petit homme, à la bonne heure. L'ambition est le ressort du courage. Va pour un concours. C'est une idée moderne, c'est une idée d'Europe. « Cela me plaît. Pour te récompenser, tu donneras ton avis le premier, et si tu trouves quelque chose de beau, Vasil n'aura pas d'autre héritier que toi. »« Je voudrais, dit l'enfant, arracher quelques dents au Milord, lui mettre un mort dans la bouche et le faire courir tout bridé jusqu'à ce qu'il tombât de fatigue. »« Il a les pieds trop malades. Il tomberait au deuxième pas. À vous autres, Tambouris, Moustakas, Colzida, Milotis, parlez, je vous écoute. »« Moi, dit Colzida, je lui casserai des œufs bouillants sous les aisselles. J'ai déjà essayé cela sur une femme de Mégare, et j'ai eu bien du plaisir. Moi, dit Tambouris, je le coucherai par terre avec un rocher de 500 livres sur la poitrine. On tire la langue et on crache le sang, c'est assez joli. Moi, dit Milotis, je lui mettrai du vinaigre dans les narines, et je lui enfoncerai des épines sous tous les ongles. On éternue à ravir, et l'on ne sait où fourrer ses mains. Moustakas était l'un des cuisiniers de la bande. Il proposa de me faire cuire à petit feu. La figure du roi s'épanouit. Le moine assistait à la conférence et laissait dire sans donner son avis. Cependant, il prit pitié de moi dans la mesure de sa sensibilité, et il me secourut dans la mesure de son intelligence. « Moustakas, dit-il, est trop méchant. On peut bien torturer le Milord sans le brûler tout vif. » « Si vous le nourrissiez de viande salée sans lui permettre de boire, il durerait longtemps, il souffrirait beaucoup, et le roi satisferait sa vengeance sans encourir celle de Dieu. C'est un conseil bien désintéressé que je vous donne. Il ne m'en reviendra rien, mais je voudrais que tout le monde fût content, puisque le monastère a touché la dîme. »« Halte-là, interrompit le Kadfedji. Bon vieillard, j'ai une idée qui vaut mieux que la tienne. Je condamne le Milord à mourir de faim. » Les autres lui feront tout le mal qu'il leur plaira. Je ne prétends rien empêcher, mais je serai en sentinelle devant sa bouche, et j'aurai soin qu'il n'y entre ni une goutte d'eau, ni une miette de pain. Les fatigues redoubleront sa faim, les blessures allumeront sa soif, et tout le travail des autres tournera finalement à mon profit. Qu'en dis-tu, sire? Est-ce bien raisonné? Et me donneras-tu la succession de Vasil? Allez tous au diable, dit le roi. Vous raisonneriez moins à votre aise si l'infâme vous avait volé 80 000 francs. Emportez-le dans le camp et prenez sur lui votre récréation. Mais malheur au maladroit qui le tuerait par imprudence. Cet homme ne doit pas mourir que de ma main. Je prétends qu'il me rembourse en plaisir tout ce qu'il m'a pris en argent. Il versera le sang de ses veines goutte à goutte, comme un mauvais débiteur qui s'acquitte sou par sou. Vous ne sauriez croire, monsieur, par quel crampon l'homme le plus malheureux tient encore à la vie. Certes, j'étais bien affamé de mourir, et ce qui pouvait m'arriver de plus heureux était d'en finir d'un seul coup. Cependant, quelque chose se réjouit en moi à cette menace d'Agitravos. Je bénis la longueur de mon supplice. Un instinct d'espérance me chatouilla le fond du cœur. Si une âme charitable m'avait offert de me brûler la cervelle, j'y aurais regardé à deux fois. 4 brigands me prirent par la tête et les jambes et me portèrent comme un paquet hurlant à travers le cabinet du roi. Ma voix réveilla Sophoclis sur son grabat. Il appela ses compagnons, se fit conter la nouvelle et demanda à me voir de près. C'était un caprice de malade. On me jeta par terre à ses côtés. « Milord, me dit-il, nous sommes bien bas l'un et l'autre. Mais il y a gros à parier que je me relèverai plus tôt que vous. Il paraît qu'on songe déjà à me donner un successeur. Que les hommes sont injustes. Ma place est au concours. Eh bien, je veux concourir aussi et me mettre sur les rangs. Vous déposerez en ma faveur et vous attesterez, par vos gémissements, que Sophocles n'est pas mort. On va vous attacher les quatre membres, et je me charge de vous tourmenter d'une seule main aussi gaillardement que le plus valide de ces messieurs. » Pour complaire aux misérables, on me lia les bras. Il se fit tourner vers moi et commença à m'arracher les cheveux un à un avec la patience et la régularité d'une épileuse de profession. Quand je vis à quoi se réduisait ce nouveau supplice, je crus que le blessé, touché de ma misère et attendri par ses propres souffrances, avait voulu me dérober à ses camarades et m'accorder une heure de répit. L'extraction d'un cheveu n'est pas aussi douloureuse à beaucoup près qu'une piqûre d'épingle. Les 20 premiers partirent l'un après l'autre sans me laisser de regrets, et je leur souhaitais cordialement un bon voyage. Mais bientôt il fallut changer de note. Le cuir chevelu, irrité par une multitude de lésions imperceptibles, s'enflamma. Une démangeaison sourde, puis un peu plus vive, puis intolérable, courut autour de ma tête. Je voulus y porter les mains. Je compris dans quelle intention l'infâme m'avait fait garrotter. L'impatience accrut le mal. Tout mon sang se porta vers la tête. Chaque fois que la main de Sophocles s'approchait de ma chevelure, un frémissement douloureux se répandait dans tout le corps. Mille démangeaisons inexplicables tourmentaient mes bras et mes jambes. Le système nerveux, exaspéré sur tous les points, m'enveloppait d'un réseau plus douloureux que la tunique de Déjanire. Je me roulais par terre, je criais, je demandais grâce, je regrettais les coups de bâton sur la plante des pieds. Le bourreau n'eut pitié de moi que lorsqu'il fut au bout de ses forces, lorsqu'il sentit ses yeux troubles, sa tête pesante et son bras fatigué. Il fit un dernier effort, plongea la main dans mes cheveux, les saisit à poignée et se laissa retomber sur son chevet en m'arrachant un cri de désespoir. « Viens avec moi, dit Moustakas, tu décideras au coin du feu si je vaux Sophocles et si je mérite une lieutenance. » Il m'enleva comme une plume et me porta dans le camp, devant un monceau de bois résineux et de broussailles entassées. Il détacha les cordes, me dépouilla de mes habits et de ma chemise, et me laissa sans autre vêtement qu'un pantalon. « Tu seras, dit-il, mon aide de cuisine. Nous allons faire du feu et préparer ensemble le dîner du roi. » Il alluma le bûcher et m'étendit sur le dos, à deux pieds d'une montagne de flammes. Le bois pétillait, les charbons rouges tombaient en grêle autour de moi. La chaleur était insupportable. Je me traînais sur les mains à quelque distance, mais il revint avec une poêle à frire, et il me repoussa du pied jusqu'à l'endroit où il m'avait placé. « Regarde bien, dit-il, et profite de mes leçons. Voici la fraisure de 3 agneaux. C'est de quoi nourrir 20 hommes. Le roi choisira les morceaux les plus délicats. Il distribuera le reste à ses amis. Tu n'en es pas pour l'heure, et si tu goûtes de ma cuisine, ce sera des yeux seulement. » J'entendis bientôt bouillir la friture, et ce bruit me rappela que j'étais à jeun depuis la veille. Mon estomac se rangea parmi mes bourreaux, et je comptais un ennemi de plus. Moustakas me mettait la poêle sous les yeux. Il faisait luire à mes regards la couleur appétissante de la viande. Il secouait sous mes narines les parfums engageants de l'agneau grillé. Tout à coup, il s'aperçut qu'il avait oublié quelque assaisonnement, et il courut chercher du sel et du poivre, en confiant la poêle à mes bons soins. La première idée qui me vint fut de dérober quelques morceaux de viande. Mais les brigands n'étaient qu'à 10 pas. Ils m'auraient arrêté à temps. Si du moins, pensais-je en moi-même, j'avais encore mon paquet d'arsenic. Que pouvais-je en avoir fait? Je ne l'avais pas remis dans la boîte. Je plongeai les mains dans mes deux poches. J'en tirai un papier malpropre et une poignée de cette poudre bienfaitrice, qui devait me sauver peut-être, et tout au moins me venger. Moustakas revint au moment où j'avais la main droite ouverte au-dessus de la poêle. Il me saisit le bras, plongea son regard jusqu'au fond de mes yeux et dit d'une voix menaçante « Je sais ce que tu as fait !» Mon bras tomba découragé. Le cuisinier poursuivit « Oui, tu as jeté quelque chose sur le dîner du roi. »« Quoi donc ?»« Un sort, mais peu importe. Va, mon pauvre Milord, Adjistraos est plus grand sorcier que toi. Je vais lui servir son repas. J'en aurai ma part et tu n'en goûteras point. Grand bien te fasse !» Il me laissa devant le feu en me recommandant à une douzaine de brigands qui croquait du pain bis et des olives amères. Ces Spartiates me firent compagnie pendant une heure ou deux. Ils attisaient mon feu avec une attention de garde-malade. Si parfois j'essayais de me traîner un peu plus loin de mon supplice, ils s'écriaient « Prends garde, tu vas te refroidir !» et ils me poussaient jusque dans la flamme à grands coups de bâtons allumés. Mon dos était marbré de taches rouges, ma peau se soulevait en ampoule cuisante, mes cils frisaient à la chaleur du feu. Mes cheveux exhalaient une odeur de corne brûlée dont j'étais tout empuanti. Et cependant je me frottais les mains à l'idée que le roi mangerait de ma cuisine, et qu'il y aurait du nouveau sur le Parnasse avant la fin du jour. Bientôt les convives d'Agistravos reparurent dans le camp, l'estomac garni, l'œil allumé, la face épanouie. « Allez, pensais-je en moi-même, votre joie et votre santé tomberont comme un masque, et vous maudirez sincèrement chaque bouchée du festin que je vous ai assaisonné. » La célèbre locuste a dû passer de bons quarts d'heure en sa vie. Lorsqu'on a quelque raison de haïr les hommes, il est assez doux de voir un être vigoureux qui va, qui vient, qui rit, qui chante, en portant dans le tube intestinal une semence de mort qui doit croître et le dévorer. C'est à peu près la même joie qu'éprouve un bon docteur à la vue d'un mourant qu'il sait comment rappeler à la vie. Locuste faisait de la médecine en sens inverse, et moi aussi. Mes réflexions haineuses furent interrompues par un tumulte singulier. Les chiens aboyèrent en chœur, et un messager hors d'haleine parut sur le plateau avec toute la meute à ses trousses. C'était Dimitri, le fils de Christodule. Quelques pierres lancées par les brigands le délivrèrent de son escorte. Il cria du plus loin qu'il put. « Le roi, il faut que je parle au roi !» Lorsqu'il fut à 20 pas de nous, je l'appelai d'une voix de lente. Il fut épouvanté de l'état où il me trouvait, et il s'écria « Les imprudents, pauvre fille !»« Mon bon Dimitri, lui dis-je, d'où viens-tu ? Ma rançon sera-t-elle payée ? Il s'agit bien de rançon, mais ne craignez rien, j'apporte de bonnes nouvelles. Bonnes pour vous, malheureuses pour moi, pour lui, pour elle, pour tout le monde. Il faut que je voie Agistravos. Pas une minute à perdre. Jusqu'à mon retour, ne souffrez pas qu'on vous fasse aucun mal. Elle en mourrait. Vous entendez, vous autres, ne touchez pas au Milord. Il y va de votre vie. Le roi vous ferait couper en morceaux. Conduisez-moi jusqu'au roi. » Le monde est ainsi fait que tout homme qui parle en maître est presque sûr d'être obéi. Il y avait tant d'autorité dans la voix de ce domestique, et sa passion s'exprimait sur un ton si impérieux, que mes gardiens, étonnés et stupides, oublièrent de me retenir auprès du feu. Je rampais à quelque distance et je reposais délicieusement mon corps sur la roche froide jusqu'à l'arrivée d'Agistravos. Il ne me paraissait ni moins ému ni moins agité que Dimitri. Il me prit dans ses bras comme un enfant malade, et m'emporta tout d'une traite jusqu'au fond de cette chambre fatale où Vasile était enseveli. Il me déposa sur son propre tapis avec des précautions maternelles. Il fit 2 pas en arrière et me regarda avec un curieux mélange de haine et de pitié. Il dit à Dimitri « Mon enfant, c'est la première fois que j'aurais laissé un pareil crime impuni. Il a tué Vasile, cela n'est rien. Il m'a voulu m'assassiner moi-même, je lui pardonne. Mais il m'a volé le scélérat. 80 000 francs de moins dans la dot de Fotini. Je cherchais un supplice égal à son crime. Oh, sois tranquille, j'aurais trouvé. Malheureux que je suis. Pourquoi n'ai-je pas dompté ma colère ? Je l'ai traité bien durement. C'est elle qui emportera la peine. Si elle recevait 20 coups de bâton sur ses petits pieds, je ne la reverrai plus. Les hommes n'en meurent pas, mais une femme, une enfant de 15 ans. » Il fit évacuer la salle par tous les brigands qui se pressaient autour de nous. Il délia doucement les linges ensanglantés qui enveloppaient mes blessures. Il envoya son Chibouji chercher l'album de Luigi Bay. Il s'assit devant moi sur l'herbe humide, prit mes pieds dans ses mains et contempla mes blessures. Chose incroyable à dire, il avait des larmes dans les yeux. « Pauvre enfant, dit-il, vous devez souffrir cruellement. Pardonnez-moi, je suis un vieux brutal, un loup de montagne, un palicard. J'ai été instruit à la férocité depuis l'âge de 20 ans. Mais vous voyez que mon cœur est bon, puisque je regrette ce que j'ai fait. Je suis plus malheureux que vous, car vous avez les yeux secs et moi je pleure. Je vais vous mettre en liberté sans perdre une minute. Ou plutôt, non, vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Je veux d'abord vous guérir. Le baume est souverain, je vous soignerai comme un fils. La santé reviendra vite. Il faut que vous marchiez demain. Elle ne peut pas rester un jour de plus entre les mains de votre ami. Au nom du ciel, ne comptez à personne notre querelle d'aujourd'hui. Vous savez que je ne vous haïssais pas. Je vous l'ai dit souvent, j'avais de la sympathie pour vous. Je vous donnais ma confiance, je vous disais mes secrets les plus intimes. Souvenez-vous que nous avons été deux amis jusqu'à la mort de Vasile. Il ne faut pas qu'un instant de colère vous fasse oublier 12 jours de bon traitement. Vous ne voulez pas que mon cœur de père soit déchiré. Vous êtes un brave jeune homme. Votre ami doit être bon comme vous. Mais qui donc, m'écriai-je? Qui, ce maudit Harris, cet Américain d'enfer, ce pirate exécrable, ce voleur d'enfants, cet assassin de jeunes filles? C'est infâme que je voudrais tenir avec toi pour vous broyer dans mes mains, vous choquer l'un contre l'autre et vous jeter en poussière au vent de mes montagnes. Vous êtes tous les mêmes Européens, race de traîtres, qui n'osez vous attaquer aux hommes, et qui n'avez de courage que contre les enfants. Lis ce qu'il vient de m'écrire, et réponds-moi s'il est des tortures assez cruelles pour châtier un crime comme le sien. » Il me jeta brutalement une lettre froissée. J'en reconnus l'écriture du premier coup et lus. « Dimanche 11 mai, à bord de la Fancy, rade de Salamine. Adjistravos, Fotini est à mon bord, sous la garde de 4 canons américains. Je la retiendrai en otage aussi longtemps qu'Hermann Schultz sera prisonnier. Comme tu traiteras mon ami, je traiterai ta fille. Elle paiera cheveux pour cheveux, dents pour dents, tête pour tête. Réponds-moi sans délai, sinon j'irai te voir. » Signé John Harris. À cette lecture, il me fut impossible de renfermer ma joie. « Ce bon Harris, m'écriai-je tout haut, moi qui l'accusais. Mais explique-moi, Dimitri, pourquoi il ne m'a pas secouru plus tôt. Il était absent, monsieur Hermann, il donnait la chasse aux pirates. Il est revenu hier matin, bien malheureusement pour nous. Pourquoi n'est-il pas resté en route? Excellent Harris, il n'a pas perdu un seul jour. Mais où a-t-il déniché la fille de ce vieux scélérat? Chez nous, monsieur Hermann. Vous la connaissez bien, Fotini. Vous avez dîné plus d'une fois avec elle. La fille du roi des montagnes était donc cette pensionnaire au nez aplati qui soupirait pour John Harris? J'en conclus tout bas que l'enlèvement s'était opéré sans violence. Le Tchibouji revint avec un paquet de toile et un flacon rempli d'une pommade jaunâtre. Le roi pansa mes deux pieds en praticien expérimenté et j'éprouvai sur l'heure un certain soulagement. Adjistravos était en ce moment un beau sujet d'étude psychologique. Il avait autant de brutalité dans ses yeux que de délicatesse dans ses mains. Il enroulait si doucement les bandes autour de mon cou de pied que je le sentais à peine. Mais son regard disait tout haut « que je te serrerais bien une corde autour du cou ». Il piquait les épingles aussi adroitement qu'une femme. Mais de quel appétit il m'aurait planté son cangiar au milieu du corps. Lorsque l'appareil fut posé, il tendit le poing du côté de la mer et dit avec un rugissement sauvage. « Je ne suis donc plus roi, puisqu'il m'est défendu d'assouvir ma colère. Moi qui ai toujours commandé, j'obéis à une menace. Celui qui fait trembler 1 million d'hommes a peur. Ils se vanteront sans doute. Ils le diront à tout le monde. Le moyen d'imposer silence à ces Européens bavards. On mettra cela dans les journaux, peut-être même dans les livres. C'est bien fait. Pourquoi me suis-je marié? Est-ce qu'un homme comme moi devrait avoir des enfants? Je suis né pour hacher des soldats et non pour bercer des petites filles. Le tonnerre n'a pas d'enfants, le canon n'a pas d'enfants. S'il en avait, on ne craindrait plus la foudre, et les boulets resteraient en chemin. Ce John Harris doit bien rire de moi. Si je lui déclarais la guerre, si je prenais son navire à l'abordage, j'en ai attaqué bien d'autres, du temps que j'étais pirate, et je me souciais de 20 canons comme de cela. Mais ma fille n'était pas à bord, chère petite. Vous la connaissiez donc, monsieur Hermann? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous logiez chez Christodule? Je ne vous aurais rien demandé. Je vous aurais relâché sur le champ pour l'amour de Fotini. Justement, je veux qu'elle apprenne votre langue. Elle sera princesse en Allemagne un jour ou l'autre. N'est-il pas vrai qu'elle fera une jolie princesse? Mais j'y songe. Puisque vous la connaissiez, vous défendrez à votre ami de lui faire du mal. Auriez-vous le cœur de voir tomber une larme de ses chers yeux? Elle ne vous a rien fait, la pauvre innocente. Si quelqu'un doit expier vos souffrances, c'est moi. Dites à monsieur John Harris que vous vous êtes écorché les pieds dans les chemins. Vous me ferez ensuite tout le mal qu'il vous plaira. » Dimitri arrêta ce flot de paroles. « Il est bien fâcheux, dit-il, que monsieur Hermann soit blessé. Fotini n'est pas en sûreté au milieu de ces hérétiques, et je connais monsieur Harris, il est capable de tout. » Le roi fronça le sourcil. Les soupçons de l'amoureux entrèrent de plein pied dans le cœur du père. « Allez-vous-en, me dit-il, je vous porterai s'il le faut jusqu'au bas de la montagne. Vous attendrez dans quelque village un cheval, une voiture, une litière. Je fournirai ce qu'il faudra. mais faites-lui savoir dès aujourd'hui que vous êtes libre, et jurez-moi sur la tête de votre mère que vous ne parlerez à personne du mal qu'on vous a fait. » Je ne savais pas trop comment je supporterais les fatigues du transport, mais tout me semblait préférable à la compagnie de mes bourreaux. Je craignais qu'un nouvel obstacle ne s'élevât entre moi et la liberté. Je dis au roi, « Partons, je jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré, qu'on ne touchera pas un cheveu de ta fille. » Il m'enleva dans ses bras, me jeta sur son épaule et monta l'escalier de son cabinet. La troupe entière accourut au-devant de lui et nous barra le chemin. Moustakas, livide comme un colérique, lui dit « Où vas-tu ? L'Allemand a jeté un sort sur la friture. Nous souffrons tous comme des damnés d'enfer. Nous allons crever par sa faute, et nous voulons qu'il meure avant nous. » Je retombai tout à plat du haut de mes espérances. L'arrivée de Dimitri, l'intervention providentielle de John Harris, le revirement d'Agistravos, l'humiliation de cette tête superbe aux pieds de son prisonnier, tant d'événements entassés dans un quart d'heure m'avaient troublé la cervelle. J'oubliais déjà le passé, et je me lançais à corps perdu dans l'avenir. À la vue de Moustakas, le poison me revint en mémoire. Je sentis que chaque minute allait précipiter un événement terrible. Je m'attachai au roi des montagnes, je nouai mes bras autour de son cou, je l'adjurai de m'emporter sans retard. « Il y va de ta gloire, lui dis-je, prouve à ces enragés que tu es leur roi. Ne réponds pas, les paroles sont inutiles, passons-leur sur le corps. Tu ne sais pas toi-même quel intérêt tu as à me sauver. Ta fille aime John Harris, j'en suis sûr, elle me l'a avoué. » « Attends, répondit-il, nous passerons d'abord, nous causerons ensuite. » Il me déposa doucement sur la terre et courut les poings serrés au milieu des bandits. « Vous êtes fou, cria-t-il, le premier qui touchera le Milord aura affaire à moi. Quel sort voulez-vous qu'il ait jeté? J'ai mangé avec vous, est-ce que je suis malade? Laissez-le sortir d'ici, c'est un honnête homme, c'est mon ami. » Tout à coup, il changea de visage. Ses jambes fléchirent sous le poids de son corps. Il s'assit auprès de moi, se pencha vers mon oreille et me dit avec plus de douceur que de colère, « Imprudent, pourquoi ne m'avertissiez-vous pas que vous nous avez empoisonnés ?» Je saisis la main du roi. Elle était froide. Ses traits étaient décomposés, sa figure de marbre avait revêtu une couleur terreuse. À cette vue, la force m'abandonna tout à fait, et je me sentis mourir. Je n'avais plus rien à espérer au monde. Ne m'étais-je pas condamné moi-même en tuant le seul homme qui eut intérêt à me sauver? Je laissai tomber la tête sur ma poitrine, et je demeurai inerte auprès du vieillard livide et glacé. Déjà Moustakas et quelques autres étendaient les mains pour me prendre et me faire partager les douleurs de leur agonie. Agistravos n'avait plus la force de me défendre. De temps en temps, un hoquet formidable secouait ce grand corps, comme la hache du bûcheron ébranle un chêne de 100 ans. Les bandits étaient persuadés qu'il rendait l'âme, et que le vieil invincible allait enfin tomber vaincu par la mort. Tous les liens qui les attachaient à leur chef, liens d'intérêt, de crainte, d'espérance et de reconnaissance, se rompirent comme des fils d'araignée. Les Grecs sont la nation la plus rétive de la terre. Leur vanité mobile et intempérante se plie quelquefois, mais comme un ressort prêt à rebondir. Ils savent au besoin s'appuyer contre un plus fort, ou se glisser modestement à la suite d'un plus habile. Mais jamais ils ne pardonnent au maître qui les protège ou qui les enrichit. Depuis 30 siècles et plus, ce peuple est composé d'unités égoïstes et jalouses que la nécessité rassemble, que le penchant divise et qu'aucune force humaine ne saurait fondre en un tout. Agistravos apprit à ses dépens qu'on ne commande pas impunément à 60 Grecs. Son autorité ne survécut pas une minute à sa vigueur morale et à sa force physique. Sans parler des malades qui nous montraient le poing en nous reprochant leurs souffrances, les hommes valides se groupaient en face de leur roi légitime, autour d'un gros paysan brutal appelé Colzida. C'était le plus bavard et le plus effronté de la bande, un impudent lourdeau sans talent et sans courage, de ceux qui se cachent pendant l'action et qui portent le drapeau après la victoire. Mais en pareils accidents, la fortune est pour les effrontés et les bavards. Colzida, fier de ses poumons, lançait les injures à pelleter sur le corps d'Agistravos, comme un fossoyeur jette la terre sur le cercueil d'un mort. « Te voilà donc, disait-il, habile homme, général invincible, roi tout-puissant, mortel, invulnérable. Tu n'avais pas volé ta gloire, et nous avons eu bon nez de nous fier à toi. Qu'avons-nous gagné dans ta compagnie? À quoi nous as-tu servi? Tu nous as donné 54 misérables francs tous les mois, une paye de mercenaires. tu nous as nourris de pain noir et de fromage moisi, dont les chiens n'auraient pas voulu, tandis que tu faisais fortune et que tu envoyais des navires chargés d'or à tous les banquiers étrangers. Qu'est-ce qui nous est revenu de nos victoires et de tout ce brave sang que nous avons versé dans la montagne? Rien. Tu gardais tout pour toi, butin, dépouille et rançon des prisonniers. Il est vrai que tu nous laissais les coups de baïonnette. C'est le seul profit dont tu n'aies jamais pris ta part. Depuis 2 ans que je suis avec toi, j'ai reçu dans le dos 14 blessures. Et tu n'as pas seulement une cicatrice à nous montrer? Si du moins tu avais su nous conduire, si tu avais choisi les bonnes occasions où il y a peu à risquer et beaucoup à prendre. Mais tu nous as fait rosser par la ligne. Tu as été le bourreau de nos camarades. Tu nous as mis dans la gueule du loup. Tu es bien pressé d'en finir et de prendre ta retraite. Il te tarde bien de nous voir tous enterrés auprès de Vasile, que tu nous livres à ce Milord maudit qui a jeté un sort sur nos plus braves soldats. Mais n'espère pas te dérober à notre vengeance. Je sais pourquoi tu veux qu'il s'en aille. Il a payé sa rançon. Mais que veux-tu faire de cet argent? L'emporteras-tu dans l'autre monde? Tu es bien malade, mon pauvre Agistraos. Le Milord ne t'a pas épargné. Tu vas mourir aussi, et c'est bien fait. Mes amis, nous sommes nos maîtres. Nous n'obéirons plus à personne, nous ferons ce qui nous plaira, nous mangerons ce qu'il y a de meilleur, nous boirons tout le vin d'Égine, nous brûlerons des forêts entières pour faire cuire des troupeaux entiers, nous pillerons le royaume, nous prendrons Athènes, et nous camperons dans les jardins du palais. Vous n'avez qu'à vous laisser conduire, je connais les bons endroits. Commençons par jeter le vieux dans le ravin avec son Milord bien-aimé. Je vous dirai ensuite ce qu'il faut faire.